بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، Donc on va continuer avec l'aide d'Allah, avec la permission d'Allah, sur la continuité, la suite de l'évocation de certaines histoires qui nous sont mentionnées dans le livre d'Allah, dans le Coran, exalté soit-il. Dans ce noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut donc, nous relate des histoires de prophètes et de messagers et autres histoires aussi. Et donc dans les assises précédentes, on avait parlé du noble prophète et envoyé d'Allah, Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes. وذكرنا أن نبي الله إبراهيم كان أسوة وقدوة للمؤمنين. Et donc on avait évoqué que Ibrahim était vraiment un modèle et un exemple pour toutes les générations, pour tous les croyants. Et de ce fait, Allah Jalla wa'ala nous a commandé et ordonné de suivre la voie de Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle, comme on l'avait bien précisé dans les assises précédentes, Al-Hanifiyya. Al-Hanifiyyatu millatu Ibrahim. Cette Hanifiyya qui était la voie et la religion de Ibrahim, un monothéisme pur, une religion pure vouée à un créateur seul et unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, il incombait et il est d'une importance capitale pour tout croyant et toute croyante de connaître la vie de ce prophète, de cet envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une place exceptionnelle et particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il est Ebl Anbiya, le fait qu'il a eu ce titre exceptionnel, Khalil Ar-Rahman, comme on l'avait évoqué dans d'autres assises. Et aussi, on avait dit parmi ces grands mérites, le fait qu'il ait bâti. C'est lui qu'Allah Jalla wa Ala a choisi et élu, lui et son fils Ismaïl, pour bâtir, pour élever les fondations de la maison antique, de la maison sacrée, Al-Kaaba. Al-Kaaba, qui deviendra ensuite la Qibla, l'orientation de tous les croyants, de tous les musulmans, ceux qui croient réellement en Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui voient un culte pur, un monothéisme pur. Donc tous les musulmans de toutes les générations ensuite se dirigent dans leur prière après l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre qibla, notre direction, on s'oriente, cette direction vers laquelle on s'oriente pour notre prière est la Kaaba. Et c'est le lieu de pèlerinage, c'est la maison visitée, la maison sacrée, ce lieu à la Mecque du pèlerinage annuel et aussi des petits pèlerinages qu'on appelle Al-Umra. Et donc vous avez vu, lorsqu'on a vu étudier certains épisodes, donc on l'a fait très brièvement et d'une manière résumée pour qu'on puisse passer à d'autres histoires, mais il fallait que le musulman et la musulmane ici se rendent compte de la valeur et de la grandeur et de la noblesse de ce prophète. Et que Ibrahim alayhi salam a une place particulière, c'est un envoyé qui a une mission exceptionnelle. Et donc tous les croyants, aujourd'hui tous les musulmans doivent suivre la voie de Ibrahim, le père des prophètes. Et parmi c'est pour ça qu'il est important de lire et d'étudier la vie de ce prophète et d'étudier son appel et de comprendre l'appel du prophète Ibrahim, alayhi salam. Et vous avez vu, il est maintes fois et souvent évoqué et mentionné, cité dans le Coran. ومن فضائل إبراهيم كما ذكرناها. Aussi parmi les autres mérites et les autres vertus que les savants mentionnent au sujet d'Ibrahim, ce qui est tiré d'un hadith du prophète Ansem, lorsque le prophète a fait le voyage nocturne, le voyage de l'ascension, et lorsqu'il a vu dans les cieux justement Ibrahim qui était adossé sur le temple peuplé ou la maison peuplée, ce qu'on appelle Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour, on avait dit, c'est cette maison qu'il y a dans les cieux qui est visitée chaque jour qu'accomplissent le pèlerinage les anges. Les anges, chaque jour cette maison est visitée par 70 000 anges. Et ensuite lorsqu'ils en sortent, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus et vient de nouveau 70 000 anges. Et chaque jour, donc, il y a 70 000 anges qui visitent Beit al-Ma'mour. Beit al-Ma'mour. Et il est rapporté que lui, Ibrahim, est adossé. Justement, le prophète l'a vu adossé à Beit al-Ma'mour. Et de ce fait, ça montre le rang exceptionnel de Ibrahim alayhi salam. Donc, il incombe à tout musulman d'étudier la vie d'Ibrahim et de ne pas ignorer la vie de ce prophète, de ne pas ignorer la vie de Ibrahim, ainsi que son appel, ainsi que sa milla, et de savoir qu'il est l'exemple même pour tous les croyants. Et à lui seul, il était une umma. Kana Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa. Comme Allah Jalla wa Ala le décrit dans le Coran. C'est pour cela qu'on a dédié différentes assises et plusieurs assises sur la vie, sur l'évocation de certains événements, épisodes et faits qui se sont produits à l'époque de Ibrahim, alayhi as-salam. Ensuite, je vous réfère à vous de continuer, bi'idhnillah, sur cette lancée, vos études et vos recherches sur la vie de ce noble prophète et envoyé Ibrahim et comprendre réellement quel fut son message. Et nous, on va sans plus attendre passer, inshallah, passer à l'étude de la vie d'un autre prophète qui est mentionné dans le Coran. Et comme on l'a dit, Allah Jalla wa Ala nous informe dans son livre au sujet de certains de ses serviteurs. Certains de ses serviteurs, des hommes qu'il a élus et choisis pour transmettre sa révélation, qu'il a choisi comme prophète. Il leur a donné le rang de prophète, de messager, d'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les serviteurs d'Allah, dont Allah Jalla wa Ala nous informe à son sujet dans son livre, Allah Jalla wa Ala nous parle d'un de ses serviteurs. Lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. Allah va nous parler de l'un de ses serviteurs en disant: et rappelle-toi notre serviteur Daoud. Daoud, ذا الأيدي, dans le sens celui qui possédait une force, un pouvoir. إنه أواب. إنه أواب. Allah Jalla wa Ala décrit Daoud comme étant Awwab dans ce verset. On expliquera cela dans ce qui va suivre. Donc là, on va passer à l'étude de la vie d'un autre prophète qu'Allah Jalla wa Ala, dont Allah nous a informé dans son livre à son sujet, en l'occurrence Daoud. Daoud, donc il y a différents versets dans le Coran qui nous parlent de ce serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah dit wadhkur et remémore-toi notre serviteur Daoud. Daoud. Donc Daoud, parmi ses particularités, jama'a Daoud alayhi salam bayna al-mulk wa an-nubuwa. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les particularités de Daoud, Daoud avait une spécificité, c'est qu'il a réuni aussi bien entre al-mulk, le pouvoir, et an-nubuwa, et la prophétie. Donc Daoud, Allah Jalla wa Ala, lui avait accordé un certain pouvoir, donc al-mulk, une certaine royauté, mais aussi la prophétie. Et donc Allah Jalla wa Ala accorde cela à qui il le veut. Comme Allah Jalla wa Ala nous dit dans un verset dans Sourate Ali Imran: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah Jalla wa Ala nous dit dans un verset, dit: ô mon Seigneur, قُلْ اللَّهُمَّ, dit: ô mon Seigneur, مَلِكَ الْمُلْكِ, مَلِكَ الْمُلْكِ, souverain de la souveraineté ou roi de la royauté, celui qui possède la royauté, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, et tu ôtes, reprends la royauté à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, et tu donnes la gloire et la fierté et la puissance à qui tu veux. Traduction rapprochée du sens. Wa tudhillu man tasha, et tu rabaisse, humilie qui tu veux. Biyadika al-khayr, et tout le bien est entre tes mains. Innaka ala kulli shay'in qadir, et tu es certes capable de toute chose. Donc on voit à travers ce verset qui renferme un sens immense et un enseignement qui est immense et profitable ici pour tous les croyants, que le maître de l'univers, que le roi de la royauté, le souverain de ce monde est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah jalla wa ala huwa malik al-mulk. Et c'est lui qui détient la royauté absolue. Et c'est lui, Allah Jalla wa Ala, qui donne la royauté à qui il veut. Et c'est lui qui l'ôte, qui l'enlève, qui la reprend à qui il veut. C'est lui qui rabaisse qui il veut. C'est lui qui donne la gloire et la fierté à qui il veut, qui élève qui il veut. Et lorsqu'on sait cela, alors le croyant, il est apaisé et il est rassuré. Et donc, il s'en remet complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mu'ati hu Allah. Celui qui donne, c'est Allah. Wa al-Mani' hu Allah. Subhanahu wa ta'ala. La mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana't. Comme on dit dans l'invocation, il n'y a personne qui pourrait empêcher la donation si Allah donne. Et personne ne pourra donc priver. Si Allah donne, personne ne pourra priver. Si Allah donne, décide et décrète de donner, mais personne ne pourra donner si Allah prive. Allah est celui qui donne et il est celui qui prive. C'est celui qui donne, subhanahu wa ta'ala. Donc la royauté, il la donne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah Jalla wa Ala, a donné la royauté et le pouvoir à Daoud. Et ça, c'est une spécificité, comme on le verra, concernant ce prophète Daoud. Allah Jalla wa Ala lui a donné le pouvoir et il a mis en lui aussi la prophétie. Il lui a accordé la prophétie. Pour cela, les savants, ils ont dit, parmi les spécificités de Daoud, annahu jamara bayna al-mulki wa an-nubuwa, kama jamara bayna al-ilmi wa al-ibada. Et parmi ces spécificités aussi, c'est pour cela que j'ai voulu qu'on parle de Daoud, surtout en ce mois du Ramadan, parce que Daoud avait une autre spécificité, c'est qu'il a rassemblé entre la science et l'adoration. Comme nous disent les savants, فَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ فَكَانَ كَثِيرُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. Et donc, Daoud, le prophète Daoud, était connu pour être une personne qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup. Il multipliait justement le jeûne et il priait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour cela que on a le jeûne qui se nomme Siyam Daoud, le jeûne de Daoud. Le fait que Daoud jeûnait une journée, il rompait une autre et il jeûnait une journée. Donc il jeûnait comme il est rapporté de sa part une fois sur deux. Donc ce jeûne, c'est un jeûne spécifique et Daoud justement était réputé pour ça jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle de ce jeûne est lié à Daoud, on dit Siyam Daoud. Jusqu'à aujourd'hui, les croyants, lorsqu'ils parlent de ce jeûne, le fait de jeûner une fois sur deux, eh ben, on mentionne le nom, on évoque le nom de Daoud. Donc Daoud était connu pour sa dévotion, pour son dévouement, sa ferveur dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et aussi, il était connu pour avoir eu et reçu cette Al-ilm. Donc il a jamara baina al-ilmi wa al-ibada. Il a réuni entre aussi bien la science profitable et l'adoration. Et donc ça, c'est une particularité qui est précieuse et qui est très importante. C'est pour ça que c'est un exemple même pour les croyants. Wa kana husnu s-sawt jiddan bil Qur'an alladhi nazala alayhi. Et donc lui aussi, il est réputé pour une autre particularité, une autre spécificité, c'est qu'il était réputé pour avoir une très belle voix. Une très belle voix pour la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était descendue sur lui. Donc il est réputé pour avoir eu une très belle voix. Donc il était doté de ce qu'on appelle husn as-sawt, mais cette voix était vraiment merveilleuse. Et donc, il était réputé que lorsqu'il lisait le Coran, la parole d'Allah, à l'époque qui lui fut révélée, est descendu, donc il lisait cela avec une belle voix et une belle récitation. Et d'ailleurs, c'est pour cela que on a un compagnon justement du prophète, un compagnon de notre prophète, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, qui avait été comparé à justement Daoud, au prophète Daoud, parce que ce compagnon avait aussi une belle voix, une belle récitation lorsqu'il récitait le livre. Et en l'occurrence, c'était Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari, comme le rapporte l'imam Ahmed dans Al-Musnad, d'après Aïcha. Radiallahu ta'ala anha, qu'Allah l'agrée, Samira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sawta Abi Moussa al-Ash'ari. وهو يقرأ فقال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. Elle nous rapporte à Aïcha que lorsque un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu la voix d'Abu Moussa al-Ash'ari alors qu'il récitait, alors qu'il lisait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laqad utiya Abu Moussa min mazamiri Ali Daoud. Et dans une traduction rapprochée de la parole du prophète, il dit, par rapport à, concernant Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète dit, il lui a cet été donné, octroyé une voix de la famille de Daoud, une traduction rapprochée. Et donc, regardez ici, le prophète a comparé la voix d'Abu Moussa al-Ash'ari, et il nous a rapporté d'autres textes aussi que des compagnons, justement, lorsqu'il rentrait, pénétrait dans la maison d'Abu Moussa al-Ash'ari, comme il est rapporté dans d'autres récits, ils sont rentrés dans la maison, ils entendaient Abu Moussa al-Ash'ari réciter le livre, et là, les gens s'étonnaient de savoir. Donc on a d'autres témoignages de compagnons qui sont rentrés à l'époque, et ils ont entendu la voix d'Abu Moussa al-Ash'ari, il avait tellement une belle voix, que dans ce récit qu'on a mentionné de Aïcha, que le prophète sallam avait comparé justement la voix d'Abu Moussa al-Ash'ari, ce compagnon, avec la voix de la famille de Daoud, avec la voix de Daoud. À savoir que il nous est rapporté que la voix de Daoud dans sa récitation du livre était le summum de la beauté. Il est rapporté, les savants, les historiens nous rapportent que c'était une voix merveilleuse. Et lorsque précédemment on a dit que Daoud était réputé et célèbre pour sa belle récitation et sa belle voix lorsqu'il récitait le Coran. Donc, vous avez vu, là, il est dit Al-Qur'an. Il est dit Kana husna s-sawt jiddan bil-Qur'an alladhi nazala alayhi. Alors, les savants ont dit Al-Murad bil-Qur'an. Le sens ici, lorsqu'on dit Al-Qur'an, c'est Al-Jama'a wa kullu shay'in. جمعته فقد قرأته كل شيء جمعته فقد قرأته كما قيل وقيل المراد le sens de cela قيل c'est الزبور vous avez vu ce qui a été donné comme livre à Daoud c'est ce qu'on appelle الزبور et donc c'est pour ça que beaucoup de savants disent c'est dans le sens de ça revient الزبور certains ont dit c'est التوراة c'est la Torah qu'il récitait aussi la Torah. Et de ce fait, vous trouvez dans les livres d'exégèse où les savants mentionnent et expliquent le sens de cela. C'est pour cela qu'on a même un rapport qui nous est rapporté dans Al-Fath al-Bari de Al-Hafidh ibn Hajar, qui rapporte d'après Qatada, qui rapporte d'après Qatada, « Kunna natahaddathu anna az-zabur 150 sura, kullaha mawa'idh wa thana, laysa fiha halal wa la haram » Et Qatada, il est rapporté qu'il disait, comme c'est rapporté dans le Fath, qu'il disait que Az-Zabur contenait à peu près 150 sourates, et Kulluha, tous, elles contenaient des rappels, des sermons, des éloges, wa laysa fiha halal wa la haram. Et lorsqu'on dit qu'il n'y avait pas de halal wa la haram, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de loi en cela. Donc, Daoud, lui, s'est distingué du fait, donc, comme on l'a dit précédemment, il a réuni entre la royauté, la prophétie, c'est-à-dire le pouvoir et la prophétie, entre l'ilm, la science et l'adoration, mais aussi al-qada. Donc Daoud aussi avait une autre spécificité. Il avait ce qu'on appelle l'art du jugement, le fait qu'il jugeait aussi, comme on verra dans ce qui va suivre. Et Allah, Jalla wa Ala, donc, nous informe aussi parmi les vertus et les mérites de Daoud, Allah nous informe à son sujet. وَذْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِي وَقَالَ الْحَافِظُ الْأَيْدِي الْقُوَّةُ. Et donc, Daoud avait un pouvoir sur terre et une capacité, une force. Et c'est pour cela que ذَا الْأَيْدِي, c'est dans le sens celui qui possédait le possesseur d'une force. وَكَانَ دَاوُدُ مَوْصُوفًا كَذَلِكَ بِالشَّجَاعَةِ Ash-Shaja'a. Donc il avait un certain pouvoir sur terre et une force, et c'était un homme qui était doté d'un courage. C'est un homme qui est très très courageux, Daoud. Wa mimma yadullu ala dhalik, kadhalik, qawlullah jalla wa ala wa qatala Daoud Jalut. Wa qatala Daoud Jalut. Wa atahu Allahu al-mulk wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Et dans le verset 253 de Sourate Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala nous annonce, nous informe lorsque Daoud avait tué celui qu'on nomme Jalout. Jalout, en français, souvent il est connu sous le nom de Goliath. Goliath, lorsque Daoud avait tué Goliath, wa atahu Allahu al-mulk. Donc Allah Jalla wa Ala nous informe au sujet de Daoud qu'il avait tué Goliath, Jalout, wa atahu Allahu al-mulk. Et Allah lui a donné ensuite al-mulk, le pouvoir, ainsi que al-hikma. Allah dit qu'il lui a donné le pouvoir, wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Et aussi Allah lui a enseigné ce qu'il voulait. Donc ça fait partie des mérites de Daoud. Et donc, à travers ces versets qu'on vient de citer, on a une description de Daoud, qu'on verra avec plus exactitude, avec plus d'exactitude dans ce qui viendra. Et dans un autre verset, Allah Jalla wa Ala nous dit au sujet de Daoud, « Walaqad atayna Daouda minna fadla » Et nous avons certes donné à Daoud, Daoud a reçu de notre part elle forme des grâces. Une traduction approchée du sens du verset. Et Daoud a certes reçu de notre part, ou nous avons octroyé à Daoud des grâces. Et l'imam Shawkani, en expliquant ce verset, il dit, c'est dans le sens, Ataynahu bisabab inabatihi fadla minna ala sa'ir al-anbiya. Wa ikhtalafa fi hadha al-fadl ala aqwal. L'imam Shawkani explique, il dit, le sens de ce verset, c'est qu'Allah Jalla wa Ala nous informe qu'il a donné, qu'il a octroyé la faveur à Daoud, la grâce de ses grâces à Daoud, bisabab inabatihi, pour cause de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, que Daoud était connu pour être un prophète qui revenait vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui faisait ce qu'on appelle al-inaba. Al-Inaba. Et donc, l'imam Shawkani explique en disant Atainahu bi sabab inabatihi fadlan minna ala sa'ir al-anbiya. Donc, il a reçu la grâce de la part d'Allah par rapport à ce inaba, cette adoration qu'il vouait à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah Jalla wa Ala lui a donné ce mérite. Et cette grâce-là, les exégèses ont divergé dans le sens. Certains ont dit c'est al-Nubuwa. Allah lui a octroyé donc la prophétie. Le sens de Al-Fadl ici, pour certains exégèses, c'est la prophétie. D'autres ont dit Az-Zabur, que le sens de cette grâce-là, c'est les psaumes, comme on dit de Daoud, Az-Zabur. Les psaumes de Daoud, ce qu'on appelle Az-Zabur. Waqila, et d'autres exégèses, spécialistes, ont dit Al-Ilm. Al-Fadl ici, c'est dans le sens de Al-Ilm. Waqila Al-Quwwa. Il a été aussi dit. Dans l'interprétation, l'explication, Al-Quwwa, cette grâce-là qu'il a reçue, c'est Al-Quwwa, la puissance et la force. Kama qala jalla wa ala, wadhkur abadana Daoud dhal aidi, innahu awwab. Aussi, parmi les choses qu'il faut comprendre, parmi les choses importantes à connaître, comme Allah jalla wa ala nous informe dans le Coran, parmi la force qu'avait Daoud, alayhi salam, la force que Daoud avait, alayhi As-salam, c'est qu'Allah Jalla wa Ala avait adouci pour lui le fer. Avait en quelque sorte, hein, traduction rapprochée, adouci pour lui le fer. De sorte, comme il nous est rapporté par Al-Hasan al-Basri, wa Qatada, wa al-A'mash, anna Allah Azza wa Jal qad alana lahu al-hadid. Alana lahu al-hadid. Fama kana yahtaj ila nar, wa la mitraqa. Qala Qatada. فكان أول من عمل الدروع من زر إنما كانت قبل ذلك من صفائح. Et donc, ce qui est rapporté, c'est que comme il nous est rapporté de la part de Hassan al-Basri, wa Qatada, wa al-A'mash, c'est que tellement ce fer avait été adouci pour Daoud, pour travailler le fer, il n'avait pas besoin de feu ni de marteau. Pour travailler le fer. Daoud n'avait pas besoin de cela. Daoud était doté d'une force et le fer avait été adouci pour lui. Donc, comme il nous est rapporté, parmi ses spécificités, Daoud n'avait pas, et c'est même mentionné dans un verset. Et donc, Daoud n'avait pas besoin ni de marteau, ni de feu pour travailler le faire. Et donc, on a évoqué certaines spécificités, particularités et vertus et mérites du prophète Daoud. Et bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, inshallah, dans une prochaine assise, inshallah, on commencera à parler de la vie de Daoud, de son message, de son appel et certains événements qui sont mentionnés dans le Coran concernant la vie de ce noble envoyé prophète Daoud, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et c'est un honneur pour nous de parler en ce mois béni du Ramadan de ces grands hommes, de ces hommes exceptionnels qu'Allah Jalla wa avait choisi pour transmettre la révélation. Et ce sont donc des exemples pour tous les croyants. Et donc, Nahmadullah Jalla wa on remercie Allah et on le loue pour ces mérites-là, pour ces grâces-là et ces faveurs qu'Allah Jalla wa nous a octroyées de pouvoir évoquer, mentionner l'histoire de ces prophètes et messagers. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.